إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو اليوم 22 من شهر رمضان. نتحدث في خلال خطبتنا هذه عن شيء من ليلة القدر ثم من زكاة الفطر. Donc aujourd'hui nous sommes le 22e jour du mois du Ramadan. Durant cette khutba, ce discours, nous parlerons de la nuit du destin ou de la destinée, ainsi que de la zakat al-fitr. Bien qu'une khutba ne suffit pas pour pouvoir parler de ces choses-là, bien sûr, on prend une approche. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit, donc dans le sens rapproché et relatif du verset, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, c'est-à-dire le Coran. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage, en parlant ici de la nuit du destin, Laylatul Qadr, durant laquelle est décidé tout ordre sage, tous les décrets, c'est-à-dire les décès, les naissances, la subsistance, les calamités. Fi hadhihi al-layla al-mubaraka, Allah subhanahu wa ta'ala yaktubu kulla ma sayahduth fi hadhihi as-sana. Al-haja li hay rah tara bi idhnillah, rabbi yaktubha fi hadhihi al-layla. Al-amwat yamutu fi as-sana, al-awlad yazidu, ar-rizq ta'ak, al-masa'ib. كل هذا ربي سبحانه وتعالى يكتبها في هذه الليلة. C'est là un commandement venant de nous, أي من عند الله سبحانه وتعالى. C'est nous qui envoyons les messagers à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui y est et de ce qui est entre ceux-ci. Seulement vous pouviez en avoir, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. ورغم هذا كان الناس يشكوا، كان الناس يشكوا في قدرة ربي سبحانه وتعالى، كان الناس تدر معهم من المسلمين يشكوا في أمر الله، لأن الناس ما تربوش على العقيدة الصحيحة، العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتي ربانا عليها. واحد جو يقول له العقيده يقول لك واش هذه الحياه، هذه حياه جديده. Aujourd'hui quand tu parles de dogme, de croyance, de bonne croyance sur laquelle le prophète عليه الصلاه والسلام était ainsi que ses compagnons, les gens c'est comme si tu leur amenais une nouveauté. C'est normal, on n'a pas été formé, on n'a pas été éduqué. La science elle a perdu sa route dans le temps. Sourate 44, versets 3 à 7. Pour celui qui veut vérifier les versets ou avoir plus ample de renseignements. Allah subhanahu wa ta'ala wasafaha bi annaha mubarakatun li kathrat khayriha wa barakatiha wa fadliha. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a énuméré donc dans le Coran. Pourquoi il l'a énuméré cette nuit-là? Parce qu'elle est bénie cette nuit-là. elle a beaucoup de vertus et de mérites. هذه الليلة الخير والبركة. لو كان ربي سبحانه وتعالى ينحي الحجاب ونشوفه وش هذيك الليلة وش معناتها؟ نشوف الخيرات والبركات والملائكة أمامنا. سبحان الله. ومن بركاتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها parmi les bénédictions de cette nuit-là. C'est la nuit où le Coran fut descendu, fut révélé. من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها ووصفها سبحانه وتعالى بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يرسل من اللوح المحفوظ إلى الكتابة، أي من اللوح المحفوظ إلى الأشياء التي ستكتب في هذه السنة كما قلنا، ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله سبحانه وتعالى المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا تفاهم ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. هنا نقطة أساسية وإن كنا لا نشرحها نلفت النظر إليها فقط. قلنا في تلك السنة من الأرزاق والأجل والخير والشر، كان الناس بلك يقول لك الشر، كيف الشر؟ الخير فهمناه، الرزق فهمناه، كل شيء الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى فهو خير. Tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien. Même si toi tu crois que c'est un mal. Min Allah, il a dunya khayr. Si dunya, yanqasim hada al-khayr, il a khayr wa shar. Wa shar la yansabu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Le shar, le mal, on ne dit pas qu'il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adaban ma Allah subhanahu wa ta'ala, la naqul hada al-kalam. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفي. ما قالش وإذا مرضني الله ولا أمرضني الله سبحانه وتعالى، لا، رغم أن المرض ليس منه. أوصيك لما لدي القدرين الله سبحانه وتعالى، ولكن الأداب لو غسيك ولا دي زبيد نطر السنير ولا دي باك للمال ولا مالدي وتوب سيزي فاس كي سوى مال كون خوكس أمال vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit non, ça provient de la kasabat aïdina, de ce que nous avons œuvré, de ce que nous avons fait avec nos propres mains. يقول تعالى كذلك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سبحانه وتعالى dans cette sourate qu'il a mentionné de sourate al-Qadr, il lui a donné carrément le nom. Il dit donc dans le sens rapproché toujours du verset, nous l'avons certes fait descendre, ayat al-Qur'an, le Coran, pendant la nuit de al-Qadr, la nuit de la destinée. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Il y a des savants qui ont compté les 1000 mois, ça voulait dire combien? Ils ont trouvé que ça faisait 83 ans et 4 mois d'adoration. 1000 mois, c'est l'équivalent de 83 ans et 4 mois d'adoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu passes 83 ans et 4 mois d'adoration, هذه الليلة أفضل من هذا السن المعين. ليلة فقط واحدة. Durant celle-ci, les anges descendent, ainsi que l'esprit, avec Jibril alayhi salam, par permission de leur Seigneur. Dans cette nuit-là, qui est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Al-Qadr, bina'na al-sharaf wa al-ta'zim. Ou, bina'na al-Qadr wa al-Qadr. La prédestination, la destinée. Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans plusieurs versets, on peut retrouver ça, et ces explications sont données par les traducteurs, ou les commentateurs du Coran plutôt, en disant que Al-Qadr, bimana, التعظيم par rapport à la grandeur de cette nuit-là, par rapport à la place que cette nuit a. Ou, بمعنى القضاء والقدر, la prédestination. لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. Donc durant cette nuit-là, nous, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a un hijab devant nous. Quand le hijab, on ne voit pas le choix. Nous, quand Rabbi subhanahu wa ta'ala, il voit le nom, il y a un mourad de l'hijab, on ne voit pas le hijab. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qui se passent durant le mois du ramadan, et khasatan hadi layla. Layla tul qadri, khayru min alfi shahab, yani min al-fadli wa al-sharif, wa katrati al-thawabi wa al-ajri, wa lidhalika kana, من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui aura passé cette nuit-là en veillée, en adoration, l'adoration ça peut être la prière, l'adoration ça peut être la lecture du Coran, l'adoration ça peut être le dhikr, l'adoration ça peut être le duha, ça peut être les invocations, ça c'est l'adoration. Celui qui aura passé cette nuit-là et qui sera tombé dans cette nuit-là, ça sera vraiment la nuit de Laylat al-Qadr. On verra après que Laylat al-Qadr, la nuit de la destinée, elle peut être le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29 des 10 derniers jours du mois du ramadan, pas spécialement le 27. Alors celui dont il a eu cette nuit-là en bain, il le recevra de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, wa khasatan huna غفر له ما تقدم من ذنبه. Il lui sera pardonné ses péchés. وتجد من كل ما يحوش يعني ربي يغفر له. كلنا تنزل الملائكة. الملائكة من هم؟ الملائكة هم عباد من عباد الله قائمون بعبادتي ليلا ونهارا. الملائكة بدون تفصيل عباد من عباد الله سبحانه وتعالى. يعبدون الله لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون. Ce sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont en continuité dans l'adoration, le jour comme la nuit. Ceux qui sont en qiyam, ils sont en qiyam. Ceux qui sont en ruku, ils sont en ruku. Ceux qui sont en sujoud, ils sont en sujoud. Sans désobéir à leur Seigneur. Il suffit que leur Seigneur leur ordonne de faire une chose, ils le font. Ils ne disent pas pourquoi, comment. Pas comme Al-Bashar. Al-Bashar, l'insan, l'homme, il a bien posé des questions. Comment, pourquoi, et s'il y avait ça, et si c'était pas comme ça. Là. Al-Muslim, an-yastaslim li awamirillahi subhanahu wa ta'ala wa nawahih. Ça veut dire que le musulman, sincère dans son adoration, il devra se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans chercher à comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala akhtara laka hadha al-amr khlas. Mais après nous, on aime bien donner des réponses, rentrer dans des discussions stériles, des discussions qui vont te faire perdre ton temps pour rien du tout. Alors des fois on entend des gens, ils vont te dire pourquoi la viande de porc est interdite. Ils vont te donner des explications, oui parce qu'à l'époque il n'y avait pas de frigidaire, alors on ne pouvait pas manger la viande parce que ça faisait des vers, ça faisait des doudou, et il a khéli. Ça c'est des histoires à perdre son temps. Allah subhanahu wa ta'ala amarak, Allah est interdit de manger la viande de porc, ça s'arrête là. Pourquoi tu es obligé de démontrer plus que ce que Allah t'a démontré dans le Coran? S'il fallait démontrer plus, le prophète il l'aurait démontré lui aussi. L'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit de boire l'alcool. Oui, parce que ça fait des effets néfastes, ceci, cela. C'est venu après dans les explications que le prophète alayhi salatu wa sallam m'a donné. Mais pourquoi toujours chercher pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi ceci? Parce qu'on veut prouver aux autres. On veut prouver aux autres. Alors si tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de phase. Et si tu n'as pas de phase et qu'il ne rentre pas dans l'islam, tu te lamentes en te disant c'est de ma faute, il n'est pas rentré dans l'islam. Là, tu es responsable de toi-même. Tu n'es pas responsable des autres. Tu es responsable de toi-même. Et ceux qui sont à ta charge comme ta femme et tes enfants. Mais si ta femme et tes enfants te désobéissent alors que tu leur as donné une bonne éducation et qu'ils ne veulent pas t'écouter, ça y est, tu n'es pas responsable de ces gens-là. Sidna Nuh alayhi salam, tabarra min ibnih. c'est bien Nuh alayhi salam, il a dit d'abord à Rabbi sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon fils. Rabbi lui dit non, c'est pas ton fils. Innahu amalun ghayru salih. Ce n'est pas ton fils. C'est un prophète, il a été prouvé. C'est bien Lot alayhi salam, il a été prouvé par sa femme. Alors nous on va se rendre malade, on va se prendre les cheveux blancs avant l'âge. Non. Toi tu éduques. Tu donnes la vérité aux gens. Les gens ils veulent prendre, Allahumma barik, ils ne veulent pas le prendre, salam alaykoum. Le prophète alayhi salatu wa salam, عندما دعا قومه. اتبع اتبع ولما تتبعش بينهم وبين مولاهم. لكن ما فرطش. انت كيف كيف؟ انت تبين للناس الحق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Celui qui veut croire en la vérité que tu lui donnes, tu lui donnes. Celui qui ne veut pas suivre, ne suit pas. Combien de fois il est arrivé de parler avec des gens? تكلمنا مع الناس avec غير مسلمين. وبعدين وش يقول لك؟ يقول لك tu me prêches alors à l'islam. Tu prétends avoir la vérité. Oui, je te prêche à l'islam et je prétends avoir la vérité parce que j'ai la vérité. الحق الحق والحق أحق أن يتبع. Et la vérité, elle doit être suivie. Toi tu démontres. Il veut suivre, alhamdoulilah, il veut pas suivre. Salam alaykoum. Mandaya shorti. الله سبحانه وتعالى يقول إذن على الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستأخرون يسبحون ليلا ونهارا لا يفرطون. سبحان الله. Combien de fois on lit le Coran? Combien de fois on lit le hadith? Et des fois on ne comprend pas. C'est pour ça qu'il demandait toujours de lire régulièrement, de lire régulièrement, de lire régulièrement, d'étudier, de demander aux savants, de demander aux savants. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. والعلماء موجودون الحمد لله. Il y a des savants. Celui qui dit non, il n'y a pas de savants, non. Ou celui qui dit moi je suis mieux qu'un savant, non. هذا خطا غلط. Le savant qui a 70 ans, 80 ans, il a donné sa vie pour la religion, sa vie pour que toi quand tu as un problème, tu as une question qui te passe par la tête, tu veux demander la question et tu vas te mettre au même pied d'égalité que ce savant là. انت كي كنت لعب هو كان يبات الليل كامل ما يرقدش ويقرأ يطلع في المسائل يشوف الفتاوى يشوف في الآيات في الأحاديث يستنبط الأحكام. تكون راقد وتلعب مع لابن شو كنت وكان يقرأ يطلع في المسائل وبعد جيت تقول أنا كيف كما هو لا. إذا قلنا يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. والروح هو جبريل عليه السلام خصه بالذكر لشرفه وفضله. ici الروح هو جبريل عليه السلام. L'esprit qui est mentionné dans ce verset, c'est Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné par rapport à la place qu'il mérite, par rapport à la place qu'il a. Salamun hiya. Fil haqiqa, c'est un petit commentaire qu'on fait de cette sourate, bien que vous la connaissiez. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. C'est un rappel, parce que ce rappel fait profiter les croyants. Bien que, en vérité, si on regarde une demi-heure de khutbah, ce n'est pas suffisant pour expliquer ce qu'on veut réellement expliquer. Vous croyez qu'en donnant un mot ou une phrase, on a expliqué le verset? Là, le temps ne nous le permet pas. C'est pour ça qu'on survole en donnant le principal. Salamul hiya, ayyani, ana laylatul qadr, laylatul salamin, lil mu'minin min kullil mukhawifin, li katrati min yu'taqu fiha min al-nar, wa yuslamu min azabiha, hatta matla' al-fajr. Et salamul, pourquoi Allah s'appelait il a intitulé Salam, c'est une nuit de paix. Parce que durant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des gens qui étaient voués à l'enfer. Des gens qui étaient voués à l'enfer, il les a franchis, Allah subhanahu wa ta'ala, et yuslimahum min adabiha. Et donc les épargnes du châtiment qu'auraient pu avoir ces gens-là. Hatta matla' al-fajr, yani ana laylat al-qadri, تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل بها. وكذلك من فضيلة هذه الليلة المباركة أن الله سبحانه وتعالى أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. فالسورات qu'on est en train de réciter إنا أنزلناه في ليلة القدر, c'est une sourate que tout le monde lit dans leur bouche, et ça jusqu'au jour du jugement dernier. Et ça jusqu'à quand? Jusqu'au jour du jugement dernier. ثبت في الصحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ici dans ce hadith qui est rapporté par Bukhari ou Muslim, le prophète a dit que celui donc qui se lève, qui a accompli cette nuit en veillée avec la foi d'être récompensé, ou ahtisab al-kabali, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Iman al-ahtisab al-ya'ni, iman billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa bima a'adda Allahu min al-thawabi lil-qa'imin fiha wa ahtisab lil-ajr. Donc l'iman billahi wa sifatihi, donc la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses attributs qui en découlent, wa ihtisaban bil ajr, et en attendant la récompense. Na'am, nahnu la na'budu Allah subhanahu wa ta'ala ibadatan, on adore pas Allah subhanahu wa ta'ala gratuitement, on adore Allah subhanahu wa ta'ala wa natla' fil khayrat, et on veut convoitiser les biens que Allah subhanahu wa ta'ala a dans ses coffres. On veut convoitiser ces biens là wa alladhi yaqul مثل نسمع كثيرا دفوا اللي غفرتي كمسا كقيل في ربيعة العدوية كسب فملا ستين فم فيوز ألا دوغي سن سينيور فا pour avoir le paradis et non par crainte de l'enfer. هذا خطأ, هذا لا أصل له. Ça c'est une parole qui n'a de source aucune. On adore Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir son paradis, pour avoir l'agrément d'Allah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, et on a peur de l'enfer. Na'am, on a peur de l'enfer. الذين يعبدون الله خوفا وطمعا, خوفا من ناره وطمعا بجنته. On adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal. واحتسابا للأجر وطلب الثواب عفوا, وهذا حاصل لمن علم بهذا, أي بهذا الأجر وبهذه الليلة خاصة, ومن لم يعلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. Le prophète عليه الصلاة والسلام, quand il a incité les compagnons à rechercher cette nuit-là, qu'ils savaient ou qu'ils ne savaient pas que c'était réellement cette nuit ou ce n'était pas cette nuit-là, c'est pas grave. L'essentiel c'est de faire les efforts. Si tu tombes dans cette nuit-là qui est la nuit de la destinée, Allah mabarik, alhamdulillah. Mais sinon, il s'est demandé de faire des efforts. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Et on devra rechercher cette nuit-là durant les 10 derniers jours, متفق عليه. وهي في الأوتر أقرب من الأشفع. Mais dans les nuits impaires, c'est encore plus proche que dans les nuits paires. لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. Pourquoi? Parce que le prophète عليه الصلاة والسلام l'a évoqué ainsi, en disant que recherchez la nuit du destin durant les nuits impaires. حديث رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وهي في السبع الأواخر أقرب لقوله صلى الله عليه وسلم. Et durant les sept derniers jours, c'est encore plus proche que les dix derniers jours. Pourquoi? Parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans ce hadith-là: التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم. Et dans ce hadith-là, il a dit que celui qui ne peut pas la chercher durant les 10 derniers jours, qu'il fasse l'effort de la chercher durant les 7 derniers jours. وقد أخفى الله سبحانه وتعالى علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزداد قربة من الله وثوابا, وأخفاها كذلك اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جدا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلانا متهاونا فإن. Donc ici on disait, pour traduire aux frères francophones, on disait que Allah subhanahu wa ta'ala a caché, a laissé cacher cette nuit-là pour que ses serviteurs, et ça c'est par miséricorde envers ses serviteurs, pour qu'ils fassent l'effort d'augmenter dans l'adoration. Et plus tu augmentes dans l'adoration, plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moins t'en fais, et moins tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Liyak tura amalum fi talabiha, fitil kallayali. Et comme on vous l'a dit, comment on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? En priant, en jeûnant, que ce soit des jeûnes sur érogatoires bien sûr, en faisant le dhikr, en récitant le Qur'an, en faisant du'a, en faisant des bonnes actions, en donnant sadaqat, en faisant des aumônes, en faisant le bien autour de soi. Un sourire sur le visage de son frère, c'est une sadaqa. Nous, malheureusement, dans des mosquées, et on a visité les mosquées, alhamdoulilah, on sait ce qu'on dit, il y a des groupes, ils se regardent, ils se salament pas, ils disent pas salam alaikum, ils se dévisagent du haut en bas, ils se regardent comme ça, et ils s'en vont. Pas de salam, pas de kalam. Pourquoi? Parce que lui, il a telle idée, et lui, il a telle idée. Et les deux, ils adorent le même Seigneur. Et les deux, ils lisent le même Coran. Et les deux, ils se prosternent devant leur même Seigneur. Voilà qu'il y a des choses qui sont de leur bouche. Ou il y a des choses qui sont de leur bouche. Ou il y a des choses qui sont de leur bouche. Et c'est ça. Ou le Coran va dire Rabbi Yahamna. Rabbi Yahamnaash. Rabbi Yahamnaash. Ou il y a des choses. Mais je ne m'en fais pas à la musulmane. Parce que ma rana est متوحدين. Ma rana est متوحدين. ويكذب عليكم يقول لكم لا لا احنا رانا متوحدين نقولها لكم رانا متوحدين celui qui vient et qui vous dit oui c'est pas les musulmans ils ont la main dans la main c'est un menteur parce que si on avait les mains dans la main il suffirait qu'on dirait ya Allah عرش الرحمن الزعزع le trône d'Allah سبحانه وتعالى va bouger ولكن ما رانا متوحدين هذه الكلمة كلمة التوحيد ما توحدناش بها Avec la ilaha illallah, on a fait plus les mains dans la main. Comment vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse les La tadkhulu al-jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, afshu as-salam ma baynakum. As-salam. Salam alaykum. Salam wa sifa. Man qulu hash. Et après, on veut tous rentrer au paradis. Yom al-qiyamah yom waar. احنا برك لما نقولوا يوم القيامه ونتصوروا دي شوز هكاك يوم القيامه لجور دي جمونت انا سي با ان جو سي با تو فيان اي تي دي اه مو جو با 5 مينوت لجور دي جمونت انا سي با ان اوتيل تو رونت او ان كافي تو رونت تو بان كافي تو رفور 50 000 ans toujours chaque être comparaîtra devant Allah subhanahu wa ta'ala du premier rang au dernier rang comme ta mère t'a créé la première fois et comme ta mère elle t'a fait sortir de ce moment plutôt parce que celui qui crée c'est Allah subhanahu wa ta'ala Tu comparaîtras devant ton Seigneur et il te fera voir tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, que ce soit de bien ou de péché. On demande à Allah quand même qu'il nous pardonne. Parce que même si fatihi, ou même asma'ihi, le ghafour est tawwab. Fa'idha qulna la, Allah ma yaghfir, ou ma yitub ala l'ibad. فلماذا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالغفور والتواب الله سبحانه وتعالى يسأل الغفور يا الله سبحانه وتعالى يسأل التواب avant de nous avoir créé alors si ça fait pas le غفور التواب on fait pas des péchés nous mais il s'appelle le غفور pour qu'on fasse des péchés qu'on demande à Allah pardonne nous il s'appelle le التواب pour qu'on fait des péchés et on demande à Allah pardonne nous on se repentit devant Allah تغلط وتطلب الغفران من الله تغلط وتطلب إلى الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده تقربوا إلى الأمام بارك الله فيكم تقربوا هبطوا شبوا في كل إفطار جزاكم الله بخير أما زكاة الفطر زكاة الفطر فالله سبحانه وتعالى شرعها قبل صلاة العيد تطهيرا للصوم فالزكاه لا الي دوني قبل يوم العيد فانها فريضه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الذي يفرضه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرض الله سبحانه وتعالى كما قلنا اذن فانها فريضه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر به فله حكم ما فرض الله تعالى او امر به ce que le prophète عليه الصلاه والسلام ordonne c'est comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et ce que Allah subhanahu wa ta'ala et ce que le prophète عليه الصلاه والسلام a interdit c'est comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. يقول تعالى في كتابه ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Ici donc dans le sens rapproché, Allah nous dit quiconque obéit au messager obéit à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. Surat 4, surat al-Nisa, verset 80. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Donc dans ce verset là toujours du sens rapproché où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et quiconque fait scission avec le messager elle se sépare du messager, s'éloigne du messager, s'éloigne du chemin qu'il a instauré après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre, un sentier ou bien un chemin autre que celui des croyants huna as-suhaba. Huna sabil al-mu'minin bimana as-suhaba, des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam wa radiyallahu ta'ala anhum. Alors nous le laisserons comme il s'est détourné avec du chemin du prophète alayhi salatu wa salam et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Surat al-Nisa, verset 115. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le prophète عليه الصلاة والسلام vous donne ou vous ordonne, mettez-le en application, et ce dont il vous interdit, éloignez-vous-en. احنا عندنا الأدلة من القرآن, احنا الأدلة من الحديث, وما زال باقي الحوص في حاجة أخرى. ربي ما ينسقناش ما دام ما نرجعوش إلى الأصل, ما نرجعوش إلى المنبع. ربي ما ينسقنا, هذا لازم نكونوا على بالنا بها. Tant qu'on revient pas à la source qui sont le Coran, la Sunna, à la sahmi salafina salih, wa hum al-suhaba, wa al-tabi'in, wa al-tabi'a al-tabi'in, on peut faire ce qu'on veut. Et vous avez la preuve. Simplement celui qui veut cacher la vérité, il la cache. Mais tu ne peux pas cacher le soleil avec un pamit. Maintenant, je vais prendre ce méchant de l'Ghurban. Ce méchant t'adhur, t'adhur. Al-haq baïl. غير ما يحبش ياخذ الحق, اما الحق الحمد لله موجود. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. Dans ce hadith là qui est rapporté par le fils de عمر بن الخطاب qui est عبد الله رضي الله عنهما, il dit que le prophète alayhi salatu wasalam a instauré donc la zakat al-fitr pour le libre ainsi que pour l'esclave, pour l'homme et la femme, pour l'enfant et l'adulte. Mais les musulmans, muttafaqun alayh. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kunna nukhrij zakat al-fitr sa'an min ta'am aw sa'an min sha'ir aw sa'an min tamr aw sa'an من أقط أو صاع من زبيب. متفق عليه كذلك. والأقط هو اللبن المجفف لم تنزع زبدته. Ici dans ce deuxième hadith là, le premier hadith on a vu que le prophète عليه الصلاة والسلام donc a instauré cette zakat al-fitr. Ça on avait dit c'était quoi? C'est 4 mouds. Ça, c'est 4 mouds. 4 mouds, c'est quoi? C'est 4 fois ça. 1, 2, 3, 4, ce sont 2 mains pleines. Ça fait 1 ça. En pesant, ça fait du 2 kg 960 et quelques grammes. 2 kg 960. Nous, pour faire un contrôle, on l'a estimé à 3. Quand je dis nous, pas moi, les ulama, tabran, les savants, ils ont estimé que ça fait 3 kg. 3 kg de quoi? 3 kg de riz. 3 kg de dattes, 3 kg de blé, 3 kg de couscous, c'est ça 3 kg. Il suffit que tu sors 3 kg par personne, tu as sorti zakat al-fitr. Bismillah. Nous ne pas qu'on a. On a dit c'était quoi l'aqt? C'est le petit lait, le lait caillé qui est séché. C'est bien de le maghrib ya'afu hada. Le maghrib ya'afu yaklu hada man. L'aqt. C'est du lait caillé qui est séché, qu'on met dans de l'eau, et ça aussi tu peux sortir la zakat al-fitr de ça. وَأَمَّا حِكْمَتُهَا فظاهرة جدا فهي في كل سجدة الزكاة في إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم لا سجدة الزكاة c'est que tu fais partager aussi les nécessiteux, les pauvres qui n'ont pas, plutôt que d'aller faire la mendicité le jour de l'Eid, aux gens qui, eux, qui soient riches ou qui soient dans l'aisance, ils veulent donner leur main. Toi, non. Tu leur donnes avant que ce jour arrive, pour que le jour de l'Eid, tout le monde est content. وَسُرُورِهِمْ بِهِ وَيَكُونُ عِيدًا لِلْجَمِيعِ Et que ce soit une fête pour tout le monde le jour de l'Eid. وَفِهَا الْإِتِّسَافُ بخلق الكرم يوسي هي la qualité de la générosité en donnant parce que donner c'est pas quelque chose de facile là ça nous est rendu obligatoire c'est pour ça qu'on donne mais quand c'est pas obligatoire de donner qui de nous donne Allah wa'ala on n'est pas tout le monde dans le même sac il y a des gens qui donnent alhamdoulilah ils ont la main facile mais il y en a d'autres non ils ont du mal à donner ils ont du mal à donner donc quand il y a des choses obligatoires ils le donnent وفيها تطهير الصائم كذلك وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم et en plus de ça, ça lui purifie son jeûne il se peut que durant ce mois-là il ait dit des choses qu'il ne devait pas dire il a peut-être vexé des gens il a peut-être dit des insultes il diminue dans حق الصيام il n'a pas jeûné correctement il a regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder il a entendu des choses qu'il ne fallait pas entendre ça le purifie donc son jeûne cette zakat elle purifie son jeûne وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكن فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه Et ici donc, celui qui, le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit que celui qui donne cette زكاة avant le jour de l'Eid, c'est zakat maqboula. Mais celui qui la donne après, ça sera quoi? Ça sera compté comme une sadaqat parmi les sadaqat. Et elle le purifie, comme on a dit, de l'arwi ou al-rafat. L'arwi, c'est toutes les surfétudes, le rafat, c'est toutes les choses qui ont attrait à la sexualité. Ce sont des mots qui ont attrait à la sexualité. Ces mots-là, on n'a pas à les dire durant le mois du ramadan ou durant le jour du jeûne. Et encore moins quand on jeûne pas même. On ne parle pas de ces choses-là comme ça. On ne parle pas de ces choses-là comme ça. Bon, si par exemple il y a un date où il y a une éducation à faire, parce que les gens doivent être éduqués. Mais je ne voulais pas un rabouchéab. Sans perdre le respect. ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفروش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الأدميين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عينه صلى الله عليه وسلم وهناك سؤال il y a aussi une question ici qui est souvent poser, c'est est-ce qu'on a le droit de sortir la zakat en argent? Il y a des divergences dans la question. Est-ce qu'on a le droit de sortir sa zakat al-fitr en argent? Il y en a qui ont dit il n'est pas permis de sortir la zakat al-fitr en argent. Il faudra la sortir en nourriture. Il y en a qui ont dit on peut la sortir en argent. Donc nous, on ne va pas faire la bagarre en disant que tiens moi je vais la sortir en nourriture l'autre moi je vais la sortir en argent ah non toi tu dois la sortir en argent et l'autre ah non toi tu dois la sortir en nourriture non il y a des savants qui ont pris une position ils ont dit qu'il était permis ils ont leur dalil les autres ils ont aussi leur dalil c'est-à-dire ils ont leur argument tu vas là où ton cœur se tranquillise mais la vérité doit se dire ceux qui ont dit qu'il était obligatoire de la donner en nourriture leur argument est plus fort Pourquoi ? Parce que zakat, zakat al-mal, كانت في وقت النبي ولا لا ? كانت في وقت النبي. كيف فرضها الله سبحانه وتعالى ? بالمال. La zakat, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, elle était en argent. Donc à cette époque-là, ils l'ont sorti, il l'a sorti en argent. Mais zakat al-fitr, pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'a pas sorti en argent ? Il aurait très bien pu dire sortir en argent. comme pour votre zakat al-mal, il a sorti en nourriture. Alors, nous, on penche avec l'avis de ceux qui disent qu'il faut la sortir en nourriture. Mais vous allez me dire, oui, mais ici, c'est pas possible. Sérieux ? Premièrement, c'est que vous n'allez pas chercher et il y a des gens qui sont dans le besoin. Deuxièmement, si vraiment on n'a pas de gens qui sont nécessiteux et qui ne peuvent pas la sortir en argent ici parce qu'il n'y a pas des gens à qui la donner, en nourriture, à quoi ? En bas, bil wikala. Alhamdulillah, dans nos pays, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Égypte. Dans tous ces pays, au Sénégal, Mali, il y a des gens, ils sont dans le besoin. Il y a des gens, ils ne mangent pas de viande. Il y a des gens, ils ont du mal à manger, ils ne trouvent rien. Alors, tu téléphones à la famille, voilà. Sors-moi tant en nourriture pour telle famille, telle famille, telle famille. Wa huna addayt al-wajib. Et là, tu auras fait donc le wajib alayk. Donc on a dit, wala yudzi'u. يخرج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parce que ça va à l'encontre de ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a instauré. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. Et dans ces deux hadiths qui sont synonymes, celui qui aura fait une chose en dehors de nos enseignements sera rejeté. حديث رواه مسلم ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث كانوا يخرجون صاعا من طعام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي رواه أحمد وأبو داود الترمذي. Et en plus de ça, les compagnons à cette époque-là, ils l'ont sorti en nourriture, ils l'ont pas sorti en argent. Même après la mort du prophète, alayhi salatu wa salam, ceux qui ont suivi les compagnons, les tabi'in, les tabi'in, ils l'ont donné en nourriture. Ça fait pas longtemps qu'il y a eu une fatwa émise par certains savants et qui disent qu'il faut la sortir en argent. Ça fait pas longtemps. Ça fait dans ces années-là même. Mais avant ça, les gens ne connaissaient pas zakat al-fitr en argent. Ils sortaient le riz, ils sortaient le couscous, ils sortaient le blé, smid, ta'am, ila akhirih. وكذلك لأن الزكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتواصلنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم وأبقيهم واجعلهم شاكرين لنعمك وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا داغيا إلا قطعته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته وكسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ربا ولا نسيها الصلاح إلا عنتنا عليها يا أرحم الراحمين برحمتك يا استعيذ. وصلى الله وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.